Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on donne le coup d'envoi avec une formation polonaise. On peut parler de vieux routiers, puisque Millennium nous présente ni plus ni moins que son 18e disque studio. Et le titre de l'album, c'est « Hope Dies Last ». Et on aura la pièce « Memento Mori ». Et puis d'Allemagne, je pense que ça sera notre troisième extrait sous Ferrer du premier album de The Castle Mountain Moon. L'album a pour titre « Six Tales of Perception » et on va voir la pièce « Où ». Et par la suite, Marc, on passe du côté de la Norvège. Oui, en effet, il s'agit d'une formation de Oslo qui a pour nom « Wizard ». Et qui présenteront vendredi prochain, le 6 décembre, leur second album qui a pour titre « Éléments ». On a pour vous un troisième extrait à l'émission. Je ne me risquerai pas de vous prononcer le titre de la pièce. On vous invite plutôt à consulter notre site web terraincognita.québec, section radio, pour pouvoir consulter les contenus musicaux et également accéder au podcast des émissions. Et ce sera suivi d'une formation française, « Clone », une formation de Poitiers, qui viennent de présenter leur 10e album en carrière, qui a pour titre « The Unseen », et on aura pour vous ce soir la pièce-titre de cet album. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord l'émission avec la formation « Millennium ». Thank you. wonders, who do you see? I wonder how shattered lie the dreams within us, mirrored by the black inside us. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonet et Michel Bilodeau, on donne le coup d'envoi de cette seconde demi-heure avec une nouveauté italienne. C'est le groupe Blacksmith Tales qui nous présente un second album qui a pour titre Pathway to Hamlet's Mill. Et le groupe avait fait une entrée remarquée en 2021 avec son album The Dark Presence et ben, ça remplit les promesses de ce premier album. On vous présente un premier extrait qui a pour titre Descent of God. Et puis, par la suite, on va avoir un groupe norvégien qui a pour nom The Windmill. Il y a un album qui est paru en 2024 qui a pour titre Mindscape et on va avoir un extrait de cet album. Et puis, j'ai couplé avec un extrait du tout premier album qui lui est paru en 2010, donc il y a 14 ans, et qui lui s'intitule To Be Continued. Et puis Marc, par la suite, je pense qu'on peut dire qu'on a un duo international. Oui, en effet, la formation a pour nom The Vegetarians et le groupe est formé du compositeur et musicien suédois Hans Andersson et du musicien américain John Tabacco, qui est de la région de Long Island dans l'État de New York. Alors, on aura pour vous un extrait de leur plus récent album qui a pour titre Space Age Pagliacci, et on aura pour vous la pièce Strangle Rocket Fair. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce bloc musical avec la nouveauté de la formation italienne Blacksmith Tales. En arche, en logos, kai logos, en prostonteon, kai theos, en logos. Life. Hello, I'm Morten. I'm playing flute in the Norwegian prog rock band The Windmill, and you are presently listening to Terra Incognita, the best radio channel playing the best prog rock music in Europe, so go ahead and listening. We'll be right back. all the space around me now. De retour à l'émission Terra Incognita. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation multinationale de Samurai of Prague, et ce sera un extrait du plus récent album qui a pour titre Time Machine. Donc c'est le Samurai of Prague featuring Marco Grieco, cet excellent compositeur et pianiste. On aura une courte pièce instrumentale, Madiba's Life, qu'on enchaînera avec une pièce du plus récent album de Francis Grégoire, qui vient de faire paraître en mois d'octobre son premier album qui a pour titre Prologue. C'est un musicien québécois originaire de l'île d'Orléans. Il est accompagné ici de plus de 10 musiciens de grand talent. Gabriel Cyr à la guitare, Stéphane Chamberlain à la batterie, Carl Mayotte à la basse et j'en passe. C'est un album de très grande qualité qui est très jazzé. On aura pourvu la pièce qui conclut cet album et qui a pour titre Aeolus. On aura également un deuxième extrait du nouvel album de la formation suédoise Baerdfish qui viennent de faire paraître Songs for Beating Hearts. On aura pour vous Torrential Downpour. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une nouveauté d'une formation de la Finlande. Oui, c'est une formation qu'on apprécie beaucoup, toi et moi. Il s'agit de Veselinja. Et ils arrivent avec un troisième album qui a pour titre Mercurius. Et on vous présente ce soir un premier extrait de cet album. La pièce a pour titre Aste Jumalille. Kahle turhautta. The son of someone that you never have carried you a long way, a long way, a long way. Call me the head. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation Jethro Tull, qui a débuté en 1968 et qui est toujours active aujourd'hui. Ce sera un extrait de leur plus récent album, paru en 2023, qui a pour titre Rock Float. Et l'extrait qu'on aura pour vous a pour titre Wolf Unchained. On aura également une formation italienne qui a pour nom Tritop, qui ont fait paraître en 2023 leur premier album intitulé Rise of Cassandra. C'est un projet qui a débuté en 2016 grâce au compositeur et batteur italien Ivo Di Traglia. C'est un album qui est composé de 4 pièces, dont une longue suite de 23 minutes. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce titre Rise of Cassandra. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation de la Pologne qu'on présentait lors de notre première année d'émission en 2004 comme une formation à surveiller. Oui, tout à fait. C'est drôle de penser à ça. Durant notre première année, on présentait Art of Myself en parlant d'une nouvelle formation polonaise qui promettait. Et 20 ans plus tard, ben, on vous présente un extrait du 8e album du groupe qui a pour titre ID. NTT. L'album est paru en 2023 et ce soir on vous présente la pièce I'm Done With You. To do, who do you think you are? Do you not realize it's my choice, it's my life? Yeah, draw me a chart, make an action plan, outline a strategy. Educate me, 'cause I clearly don't understand. And you're so clever. You're not my judge, you're not my God. You're not my own CEO. Why don't you simply shut your mouth and take your poison from my soul? We'll here, felt the calmer that lies deep within the bowels of the earth, rotting amongst the spoils of what we used to call mankind. Destiny came true. jaws agape and angry howls, the wolf does run, all set to roam and havoc make amongst the nine worlds of the sun. But soft as silk, strong fetters fixed to calm, restrain the rage a while. Invite the ham between sharp teeth to prove good faith, to reconcile the bond unbroken. Trickery could not prevent the savage bite, and free at last with jaws against the ground and sky, the final fight. Le temps passe vite, on est déjà rendu à notre dernière pièce. Et ce soir, pour conclure l'émission, on a choisi une formation norvégienne qui a pour nom Lumsk. Et on a un extrait du plus récent album Fremmede Toner qui est paru en 2023. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèles au rendez-vous et évidemment, on vous invite à nous revenir la semaine prochaine. On a encore plein de bonne musique à vous faire entendre et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL. L'autoroute suit dans quelques instants. En aften, solskule mot snem.